Floodcast. Ok. Et je passe le micro à Nicolas Berner. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Bienvenue dans le troisième numéro de Floodcast. Salut. Pardon, j'ai fait un peu fort. Pardon. Il a pris de l'élan. On est accompagné de quatre personnes, à savoir Adrien Méniel, comme à chaque émission, toujours là, toujours présent. Salut. Le véritable sniper, le véritable là. Fabrice Eboué. Allez, attends, je règle ma lunette. Okay, c'est bon. Ok. On est également avec Nicolas Berneau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça fait plaisir que tu sois ici. C'est la première fois que tu viens. En même temps, on a fait que trois numéros. Ça me fait très plaisir d'être dans le troisième numéro. Voilà. Nicolas Berneau, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es comédien et rappeur. Ainsi que rappeur. Tu es également auteur. Voilà, on t'a vu. Tu es comédien dans Les Opérateurs, dans Le Visiteur du Futur saison 4. Oui. Également, tu as écrit récemment pour Golden Moustache, pour Lab. Pour Le Lab. Malentendu. Un sketch qui s'appelle Le Malentendu, que je vous invite à voir car il est Rama. Et peut-être qu'on finira l'émission sur la chanson que tu as écrite et que tu as chantée. D'accord. Voilà, on finira là-dessus. On est également avec Greg Romano. Bonjour Greg. Bonjour. Excellent, j'adore parler dans un micro. C'est excellent. Greg, pareil, auteur-comédien chez Golden Moustache. Ouais. Et on te voit aussi un peu ailleurs de temps en temps. Tu te balades au final. À Surlande par exemple. Mais, et je suis très fier de cette pub parce qu'il y a eu trois pubs à Surland, les deux premières ont fait 1 million et moi j'ai fait 700 vues. Et je me dis c'est excellent, vraiment l'engouement que je peux vraiment solliciter sur internet quoi. Et on rappelle ton spectacle d'ailleurs qui vient de s'arrêter. Oui. Ouais, justement parce que je crois qu'il y avait encore moins de personnes qui étaient venues le voir quoi. Mais après sinon je fais des trucs super bien, je peux faire des pâtes carbo, des trucs comme ça quoi. Non, mais par contre c'est vrai que t'as aussi un spectacle. Oui. Ouais. Un spectacle qui s'appelle Left Way Tombe. Oui. Coécrit avec Navo. Qu'on embrasse et on en parlera peut-être en fin d'émission quand je fais le petit tour promo des invités. Et on a également un autre invité alors qui pour le moment termine de se nourrir et il s'agit de Vincent Tirel. Salut. Il mange une petite pizza pepperoni. Voilà, et il viendra dans l'émission quand il aura digéré tranquillement. Mais on ne le presse pas, qu'il prenne son petit temps et qu'il se nourrisse. Agréablement, Vincent Tirel, bien évidemment, sur E4, franchement.org, auteur, comédien, metteur en scène. Bref, on l'aime au final. Et réalisateur de la pub à Surlande. Ok, donc comme à chaque émission, je fais le petit tour de table, le point culture, j'ai envie de dire. Ouais. Puisque voilà, en gros, je le répète encore, parce que c'est la troisième émission, les gens ne sont peut-être pas encore au courant de comment ça fonctionne, vu que moi-même, je ne suis pas méga au courant de comment ça fonctionne. Je fais un petit tour de table pour savoir si vous avez vu un film cool, si vous avez vu un truc à la télé cool, un truc sur internet cool, lu un truc cool, enfin bref, que des trucs cool en l'occurrence. Nicolas Berneau, as-tu vu un truc ou lu un truc qui t'a bien plu cette semaine ? Est-ce qu'on doit dire une seule chose ? Comme tu veux, dis trucs qui t'ont un peu touché. Alors les deux choses pour l'instant qui m'ont marqué cette semaine, je suis en train de regarder Last Man on Earth. Oui, très bien. Qui est vraiment excellent. Et un sublime documentaire qui est sur Netflix aussi, sur Mel Brooks. Ok, bon, déjà on va parler de Last Man on Earth, ouais, c'est une petite série. Last Man on Earth, c'est une petite série, le format c'est 22 minutes, okay. Ou 26, je sais plus. C'est l'histoire d'un mec qui est donc seul sur Terre, c'est le dernier survivant, ça se passe aux États-Unis. Et donc au départ il est tout seul, donc il fait tout ce qu'on rêverait de faire quand on est tout seul. Et puis il va se passer tout un tas d'événements. Voilà, parce qu'en fait le raconter c'est spoiler. Oui, c'est spoiler. Dès le premier épisode, il se passe des trucs assez ouf. En fait, ça que j'aime bien, moi j'en ai vu que deux. Et chaque fin d'épisode a un espèce de cliffhanger ouf en Exactement, fait. Exactement. C'est vrai qu'on peut pas trop en parler. On peut pas trop en parler. Mais c'est vachement bien. Adrien, je crois que tu connais. Enfin, tu mates aussi. J'ai tout vu moi. D'accord. Enfin, tout. J'en suis au 7e épisode, donc fais gaffe. Non, en fait, moi je trouve ça hyper bien. Je trouve là juste. Mais peut-être que ça va s'améliorer avec les prochains épisodes. Mais j'ai l'impression que tous les épisodes ont un peu la même structure, ouais, c'est-à-dire. C'est pas spoiler. Mais du coup, disons, en gros, il s'installe une situation. Il agit de telle façon, et à la fin, il a une petite révélation, genre ah, en fait, j'aurais pas dû faire ça ou un truc comme ça. C'est un épisode des Simpsons en fait. c'est entre South Park et les Simpsons, il y a un petit truc un peu. Ouais, sauf que. Dans les Simpsons, il y a beaucoup de personnages, il n'y a pas un mec. Oui, c'est vrai. En fait, du coup, tout est basé sur sa personnalité. Ouais. Et du coup, c'est assez répétitif pour l'instant, je trouve. Ouais. Mais peut-être que là, avec le prochain épisode, ça va s'améliorer. Quoi. Okay. Mais le contenu est suffisamment drôle, bien amené, bien écrit, pour qu'on s'en contente pour l'instant, mais c'est vrai que si ça doit s'étendre sur plusieurs épisodes encore ou une autre saison. Et l'acteur est ouf. Voilà, l'acteur est forté. Ouais, voilà, rappelons son nom, qui est vraiment un mec très bon. Qui est le créateur de la série, qui avait fait aussi un autre film parodique qui était génial, qui s'appelait MacGruber. Voilà, MacGruber, qui est un film excellent. Et qui est aussi. Enfin, c'était des sketchs sur SNL. Sur SNL. C'était un sketch SNL. Sketch avant SNL. Un long métrage. Et le long métrage est incroyable. Il y a Val Kilmer en méchant, par exemple. Et vraiment, c'est. En fait, MacGruber, bon, on va pas divaguer tout de suite, mais vraiment. Matez-le, téléchargez-le, achetez-le, parce que vous retrouvez tout l'esprit un peu des Zaz de l'époque, donc pas la chanteuse, avant que Greg Romano ne fasse la vanne. Je le vois, son petit œil friand. comme la chanteuse. Voilà, je le sentais un peu venir, mais comme David Zucker et compagnie. Là, vous ne pouvez pas voir, mais Greg Romano se dégoûte lui-même, il a une expression de dégoût sur le visage. Après sa blague, il a vraiment baissé les yeux et il a dit qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Dans, intérieurement, il a dit tout ça. Tout ça. Voilà, donc MacGruber c'est trop bien, Last Man on Earth c'est trop bien. Voilà. Et donc tu as vu un documentaire. Ah, pardon, ouais. Kristen Schaal aussi qui est très drôle. Oui, d'accord. Qui écrit sur ce. c'est bien, c'est drôle. Voilà. Très bien. Et tu as vu donc un documentaire sur Mel Brooks ? J'ai vu un documentaire sur Mel Brooks qui est sur. Je vais te rappeler qui est vite fait Mel Brooks pour les gens qui connaissent Mel pas. Alors, Mel Brooks, c'est un réalisateur, comédien, scénariste, producteur de très très très grand talent. Okay. Fait partie des légendes un peu de l'humour avec Jerry Lewis, etc. Des États-Unis dans la grande tradition de ces humoristes-là. Il a fait quoi comme c'est des films des... Alors il a fait beaucoup de films. Je pense que le plus connu en termes de génération c'est Robin des Bois. Ouais. Qui était sacré Robin des Bois. Sacré Robin des Bois, voilà, qui est une parodie donc de Robin des Bois du roman. Mm. Mais il a fait aussi d'autres films comme une des premières parodies, je crois la première au cinéma de Star Wars qui s'appelle La folle histoire de l'espace. Spaceballs. A priori, tu dirais que son Robin des Bois est meilleur que celui avec Max Boublil ou à peu près kiff-kiff à vue nez. Hein. Modérément, je dirais. je sais pas, faudrait voir, mais j'ai ma petite idée sur le. Je pense que celui de Max Boublil est bien meilleur, mais. Mais Mel Brooks que je connaissais à travers ses films mais que je connaissais pas tant que ça en termes de parcours. Et voilà, donc je vous invite à le voir parce que c'est un vrai génie de l'humour et de la comédie. Moi, les deux films qui m'ont marqué que je vous invite à voir aussi, donc il y a La folle histoire de l'espace, il y a La dernière folie de Mel Brooks qui est un film muet. C'est pour ça que The Artist, c'est marrant que ça ait fait autant de phénomène. Mais Mel Brooks a fait un film entièrement muet justement en hommage à Buster Keaton et Charlie Chaplin. Qui est un film de 72, je crois, qui est génial. Et un autre film aussi que j'ai adoré, qui s'appelle Frankenstein Junior. D'accord. Qui est un remake de Frankenstein de 1927. D'accord, je crois, comme ça. Et c'est hyper drôle avec Gene Wilder, etc. Voilà. Très bien. Et donc le documentaire, c'est sur sa vie, c'est Le sur documentaire, son c'est art, sur toute sa vie. C'est lui qui parle, et puis ses amis, ses partenaires de jeu, ses différentes femmes. Et voilà, je trouve qu'il donne il donne une philosophie de la vie et de comment avancer dans la vie qui peut servir à n'importe qui, même si on n'est pas artiste ou qu'on se destine pas à cette carrière-là. Très bien. Et est-ce qu'on peut dire que l'équivalent français de Mel Brooks, c'est Michel Leeb ? Bah, complètement. Ok, d'accord. Complètement. Bah, vu qu'on est dans la culture, moi, je vais vous dire, je suis allé voir Fast and Furious 7 au cinéma et j'ai trouvé ça incroyable. Genre, vraiment, alors, il n'y a aucune ironie. On pourrait croire qu'il y a énormément d'ironie dans ma phrase, voilà. Mais absolument pas. J'ai vraiment trouvé. Je suis allé à la première séance mercredi à OMK2 Quai de Loire à 10h du matin. On était 4. Je suis allé avec Monsieur Poulpe. On était 4 dans la salle. Et j'ai vraiment adoré. Ça dure 2 heures. C'est ce qui peut paraître très long. Et en fait, c'est juste trop bien. Les courses poursuites sont ouf. J'ai pas autant pris de plaisir devant un blockbuster depuis Expandables 2, qui était un autre classique pour moi. Oui. Et en fait, bon, Fast and Furious 7, faut savoir que un des comédiens principaux, donc Paul Walker, est décédé. Dans la vraie vie, il a eu un accident de voiture. De voiture. Et en fait, du coup, les 20 dernières minutes du film sont super méta, en fait. C'est-à-dire qu'il y a c'est un hommage à Paul Walker, c'est assez assez bien fait, assez genre, je sais pas, assez joli. Moi, j'ai eu un peu les larmes aux yeux, je l'avoue. Ah, et oui. Finir Fast and Furious 7 avec les larmes aux yeux, j'avais pas prévu spécialement, mais et c'est réalisé. Et un truc un peu marrant. Ouais. Les larmes, c'est un peu le liquide de refroidissement du corps humain. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est excellent. Et le corps. Et c'est vraiment vraiment vraiment lave-glace, bien le lave-glace. Le lave-glace, oui. Plutôt parce que c'est plutôt la sueur. Hein, <finalement. rire> voilà. Et si anecdote marrante, c'est James Wan qui l'a réalisé et James Wan, c'est le mec qui a fait Saw le premier. Converging, donc il fait quasiment que des films d'horreur et là il fait un énorme blockbuster bourrin. T'as dit quoi, Converging? Converging, non, c'est pas ça. C'est pas Conjuring. Conjuring, pardon. Conjuring, ouais. Bah oui, bah je suis un gros con. Non, non, non, j'ai pas envie de t'en. Il y avait aucune malice, je pense. Non, mais t'es très gentil. Sinon, j'aurais fini la phrase par fils de pute. Oui, d'accord. Voilà. Donc le petit mémo pour se rappeler. Bah donc très bien, très bien. J'ai adoré ce film. Voilà, allez le voir. Et Greg Romano, toi, tu as. Ouais, ouais. Écoute, moi, je suis allé voir Un homme idéal avec Pierre Niney. Ah. Écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu aimes Pierre Niney déjà de base. Ouais, j'aime beaucoup, mais non, mais j'avais des a priori, film français, machin, tout ça. Ah, du racisme donc. Non, pas du tout. Bon, les films français comme blanc. Ça. Et en fait, non, j'ai vraiment, vraiment kiffé du début à la fin. Le scénario est bien ficelé, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Et en tant que livre, parce que j'en lis un tous les 20 ans, donc c'est vraiment le cas. J'ai lu L'affaire Harry Kébert. Alors, je sais pas si vous l'avez lu. Non. Et ben, le film est vraiment, le livre est vraiment génial. Et c'est marrant, je dis le film parce que là, j'ai appris que Ron Howard avait racheté les droits pour le faire. Waouh. Ça a été écrit par un Suisse, un jeune Suisse. Et c'était son deuxième livre et vraiment super bien ficelé. J'ai adoré le scénario. Tu lis du début à la fin, quoi. C'est quel 800 pages. Quel genre, polar? Ouais, c'est les trucs histoire et rebondissement, tu sais, où tu dis putain, c'est lui le tueur. Après, tu fais ah non, c'est lui. Oh non, c'est lui. Et les 100 dernières pages. Et au final, c'est ouf. Qui du coup? C'est qui le tueur? Eh ben, je vais pas le dire, quoi. Mais, ah oui, merde, d'accord. Mais vraiment, c'est le là, genre de livre. Je voulais dire fils de pute à la fin. À la fin, quand tu lis ça, tu dis obligé, ça va faire un gros film. Voilà. Et bim. Et voilà. Et bim, après, ça. J'ai lu La gloire de mon père aussi, mais c'était il y a super longtemps et j'ai pas trouvé ça ouf. Voilà. Vincent Cyrel a fini sa pizza et oui, nous a rejoint. Salut jour, Vincent, ça va? Je me marre, je suis spectateur de vos conneries. Je me poile très fort. As-tu vu un truc ou machin? Juste ou... avant, je tiens à préciser que les cheveux de Vincent sont luxuriants. Je peux pas le voir, mais. Ça devient n'importe quoi. Ils sont sublimes. Je suis tellement content qu'il n'y ait pas de caméra. Ils sont soyeux. On dirait Mike Brandt. Vivant. Mike Brandt vivant. Je pue de la gueule. Mais c'est pas grave, c'est de la radio, mec. Bah ouais, mais je me dis, je sais pas, je sais pas la technologie des micros maintenant, c'est fou. Ça devient vraiment, c'est complètement dingue. Quel était le nom de ta pizza pour que les gens puissent se donner une idée de l'odeur? Pepperoni. Petite pizza pepperoni. On salue les habitants de pepperoni, peut-être. Au passage. Normand. Je vais mourir la belle. Non, j'ai pris des trucs avec de l'ail et tout. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un film très récent, Le dernier tango à Paris. Je me suis maté ça l'autre jour et j'ai pas pu voir la fin. Mais attends, ouais, parce que t'étais en train de te mettre du beurre dans le cul. J'ai eu une idée, je suis allé au frigo et j'ai pris une margarine, je crois, une margarine demi-sel. Non, du Plantafin. De marque Plantafin. Celle de Guérande. Si t'as pas la référence, je te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout le mec avec du beurre? Oui, il faut avoir vu le film. Ou avoir écouté le podcast. Parlé du dernier tango à Paris dans le dernier podcast. C'est vrai? Donc, hashtag beurre dans le cul. Hashtag beurre dans le cul, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Faut pas spoiler les gens. On le met en tété. On le met en tété. Hashtag beurre dans le cul. Voilà, donc je vis avec mon temps. Mais c'est... Ah, il joue dans le film? Voilà. J'ai failli. Je vive mon temps. Simone Signoret. Hey, Simone, moi, je l'ai trouvé vraiment excellent, celle-là aussi. Mais c'était Yves Montand mal fait. Yves Montand mal fait. Bonjour. Ça se Aznavour. Ah non, pas du tout. Je ferme les yeux. Ah non, Aznavour, il peut te le faire, regarde. Non. Non, faut pas le lancer. Bon, bah, je suis super content que vous soyez là. C'est cool, en tout cas, de me sauter mon tour. Bah oui. Pour la deuxième fois. Parce qu'au deuxième épisode, t'avais déjà fait ça, il me semble. Je suis vraiment baffi en fait, je suis vraiment le mec, je suis pas un des invités, je suis fais partie de l'émission. Désolé Adrien, mais t'inquiète pas, vu que c'est du montage, je vais pouvoir couper ça et faire. Et sinon toi Adrien, t'as vu quoi? C'est drôle. Ouais. Sinon toi Adrien, t'as vu quoi cette semaine? Alors je précise que Flaubert avait oublié. Non, je veux dire. Alors moi j'ai vu, alors déjà je joue en ce moment un petit jeu vidéo qui s'appelle Oli Oli 2. D'accord. Qui est donc la suite de Oli Oli. T'es un père de famille et tu dis Oli Oli. Tu vois, ça aussi, on pourra le couper par exemple. Moi, je l'ai trouvé excellente. Non, et en fait, c'est un petit jeu de skate qui coûte rien d'ailleurs si vous avez le PlayStation Plus, si vous êtes abonné. Okay. Petite astuce. C'est très cool en fait. Le premier Oli Oli et les graphismes étaient tout en pixels, pas très joli, je trouvais. Okay. Et là, ils font des graphismes en 2D très beaux. Et en fait, le principe, c'est faire du skate. En gros, si vous connaissiez Excitebike sur NES, c'est du Excitebike en skateboard, mais en, le principe c'est de faire des combos, c'est-à-dire faire le plus de figures possibles enchaînées pour faire des scores extraordinaires et aller à la fin du niveau. Et en fait, dès qu'on tombe, on a perdu, il faut recommencer tout le niveau depuis le début. Il n'y a pas de sauvegarde. Enfin, sur un niveau, si tu peux pas tomber et repartir, voilà, tu repars du début. C'est vraiment un jeu ancien. Et ouais, non, mais c'est vraiment, vraiment chouette, addictif, petit jeu. C'est mon jeu de métro et de toilette et d'ennui en ce moment. Mais t'as dit que c'est sur la Play, comment tu peux jouer dans le métro? Alors, très bonne question, justement. Oui. C'est parce que si vous l'achetez sur PlayStation 4, et bah vous l'avez aussi sur PS Vita. Je possède une PS Vita. Bah moi aussi, hein, c'est pas le malin. Et bah voilà, tu pourras y jouer dans le métro. Et je le trouve même plus sympa sur PS Vita. D'accord. Okay. Et sinon, un autre truc que j'ai vu, c'est une série de documentaires qui s'appelle The Jinx. Mmh. Et en fait, le point de départ, c'est la police qui retrouve. Donc tout est vrai, hein, c'est des documentaires. La police qui retrouve un corps coupé en morceaux et mis dans des sacs poubelles et jeté dans la baie dans une ville, c'est Galveston, je crois, dans D'accord. le Texas. Et ils retrouvent ce corps et ils trouvent un indice dans les sacs qui les amène jusqu'à un gars qui s'appelle Robert Durst. D'accord. Et il s'avère que ce Robert Durst, c'était un mec qui... Et le tueur. Terminé. D'accord. J'ai deviné. C'était celui le tueur. Voilà, terminé. C'est ça. Bah, en fait, ce mec, il y a plusieurs années, il était fortement suspecté d'avoir tué sa femme. Mmh. Et du coup, le mec avait fui la police, etc. Et c'est un mec qui fait partie d'une famille de millionnaires new-yorkaises. Mmh. Et le mec, c'était un peu le mouton noir de la famille. Oh, et il s'était barré. C'est Robert Durst. Robert Durst. Comme Fred Durst. Durst. Comme Fred Durst, exactement. C'est bon, je remets complètement, j'ai entendu parler du truc et il vient de se faire. Faut pas spoiler. Ah non, je voulais pas spoiler. Il était en procès, puis procès. Ouais, voilà. Mais en gros, le mec a. Enfin, en gros, était. J'ai pas compris, pardon. Sa femme avait disparu. Il n'avait. Oui, en fait, le risque de ce documentaire, c'est qu'on peut se faire spoiler par l'actualité. Parce que c'est vrai, quoi. Ouais. Et donc, en gros, c'est une enquête et c'est mi-enquête sur ce mec, mi-apprendre à connaître ce gars, etc. Michigan! Et donc c'est très. J'ai pas compris. Michigan. Ouais. En fait, j'ai fait un jeu de mots en utilisant mi. Enfin, plus sérieux avec Mississippi. Tu vois. Missouri. Ouais, Missouri. Mais c'est moins drôle, je trouve. Bah, si, parce que la souris, c'est un vrai mot. Ouais, alors que l'autre Chigan, c'est pas un mot. Ouais, c'est mieux, en fait. Si, Steven Keegan. Oh là, j'arrête pas de faire des bonnes vannes. Que des punch. Que des punchlines. Non, et c'est vraiment très, très prenant, fascinant. Et c'est la première fois que je regarde un truc où je suis vraiment. Tendu, mal à l'aise, pas bien, c'est vraiment la boule. C'est le doc de HBO, ça non c'est un doc c'est HBO. Et c'est vraiment. Et si vous le regardez, je vous conseille de tout regarder le plus vite possible parce qu'on peut vite se faire spoiler. Même s'il y a des débats du genre c'est la réalité, donc on peut pas le spoiler. Mais bon, moi je trouve que comme c'est une série qu'on regarde et qu'on suit, bah, on peut se faire spoiler. Hashtag Anthony Mirelli. je te salue et je t'embrasse. Non, et voilà, donc il faut le regarder vite et il faut éviter de chercher quoi que ce soit sur la série parce que voilà, il faut regarder jusqu'à la fin. Ça, c'est une série ou un documentaire ? C'est une série de documentaires. D'accord. Et il y a les sous-titres ou non ? Il y a les sous-titres qui sont. Alors moi je les regarde avec les sous-titres en anglais. Mmh. Non, mais pour le rendre plus. Parce que en fait, mais quand t'es de merde en anglais, comme moi, français, quoi. Okay. Bah je sais pas si. Non mais si, mais tu vas sur Addict 7 ou je sais pas quoi là, t'as tout le monde entier qui sous-titre des trucs. Bah du coup, puisqu'on parle de ça, il y a un petit logiciel qui existe sur Mac et sur PC qui s'appelle Subtitle, je crois, si vous cherchez Subtitle App. D'accord. Et en gros, c'est un logiciel, vous faites un drag and drop de votre fichier vidéo sur la fenêtre du logiciel et il vous télécharge automatiquement le sous-titre dans la langue que vous voulez. Oh, c'est bon ça. Et vous le met dans le même dossier avec le même nom que la vidéo pour que ce soit paf direct. Et c'est très pratique. Ça, c'est le bon en truc. En tant que gros noob, ça me ferait très plaisir. Voilà. Ouais, moi aussi, ouais. Subtitle App. C'est vraiment. Cherchez ça. Ça a l'air excellent. Nickel. C'est excellent. Nickel. Ça, c'est cool. Cela dit, pour The Jinx, à l'époque où j'ai regardé, ça n'a pas fonctionné. Généralement, ça marche très bien. Pour les films et les séries. Je suis de la génération de frigorifiques, on allait chercher les trucs. Sur la moyeur. Ouais, voilà. J'avais sur la moyeur. Ah putain, merde. Les films que tu chopais, c'était finalement un porno. Je prenais Time. Ça n'avait rien à voir. Je prenais Time Adjuster pour synchroniser mon sous-titre avec le timecode de mon film. Je me suis ennuyé beaucoup. J'avais du temps à perdre énormément. Bon, très bien. Mais écoutez, les gens qui nous écoutent ont plein de petites adresses plutôt cool. J'avais une petite question pour Fast and Furious 7. Est-ce qu'il faut avoir vu les autres pour apprécier le film? Non. Un peu quand même pour l'esprit. Alors, l'esprit. En gros, moi je pense. Faut avoir le 1 quoi. Non, en fait, moi j'ai jamais vu Fast and Furious 7. Mais la question me fait rire parce que moi j'imagine vraiment un film où c'est des voitures qui se bagarrent. Oui, mais et non. Du coup, je me dis, oh, c'est pas la peine d'avoir vu les autres, je pense. Mais c'est la ton erreur. C'est la ton erreur. Interaction entre les personnages. Non, mais en gros, tu l'apprécieras d'autant plus si tu as vu les précédents. Bah parce que en fait, dans Fast and Furious 2, ils expliquent un peu tous les essieux, tout le, tu vois, les moteurs explosion et tout. Donc du coup, t'es largué après parce que dans le 3, ils font les enjoliveurs. C'est pour ça que je te demande. Ouais, parce que voilà. Du coup, la pression des pneus dans le 3, dans le 4. En vrai, c'est comme Batman, tu vois, tu peux en voir un sans avoir vu les autres de Batman, tu vois, non, tu peux voir The Dark Knight sans avoir vu Batman Begins, tu peux l'apprécier. En revanche, tu l'apprécieras plus si t'as vu les autres, si tu as vu les autres films. Et Fast and Furious, vu que c'est une team, c'est vachement mieux en fait. Tu connais les personnages, tu les retrouves et tu kiffes. Et quand il leur arrive des trucs, tu fais oh merde, il était fort dans l'autre, enfin ce genre de choses. Moi j'ai pas vu Batman Begins, mais j'ai vu Jean-Claude Begins. Par contre, je suis désolé, c'est mais t'assumes pas. J'ai pas compris en fait. C'est pour les coiffeurs. Begin. Les coiffeurs Jean-Claude Begin. Ça marche pas, t'as dit Begins. Vous avez bien fait de m'inviter. Je me sens bien. Alors que moi, tu vois, Missouri, bam, ça a tapé quoi. Ouais, ça a tapé. Missouri, c'est ma blague par contre. Ah ouais, mais moi j'ai plus Michigan. Mais non, mais pour le coup de Fast and Furious, c'est parce que il y a un espèce d'esprit de famille qui s'est formé entre les deux. Parce que dans le premier, en fait, Paul Walker, c'est un flic. C'est un flic infiltré. Et Vin Diesel, c'est le entre guillemets le méchant, et après ils deviennent une espèce de famille puisque. Ouais, spoiler. Fast and Furious 1, il était sorti à l'époque, il était déjà en noir et blanc. Ah, excellent, parce que c'était par rapport au fait qu'il soit vieux. Il était déjà en noir et blanc, ça n'a aucun sens. N'importe quoi. Parce que c'est vrai que Jean-Claude Begin, c'est superbe. et surtout c'est le méchant du dernier film, c'est Jason Statham, et il a la classe d'un, et la scène d'intro de Fast and Furious 7, elle est incroyable. D'accord. C'est une des meilleures scènes de tous les parce que moi je me suis arrêté au 4 et le 4 j'ai eu vraiment du mal à le finir. Non, mais après ça redevient bien, quoi que le 4 il est cool, mais le 5 et le, il est vraiment vraiment bien, le 6 est moins bien et le 7 est chambé. Le 7 il est vraiment fou. Okay. De toute façon, il y a The Rock, Vin Diesel, Jason Statham. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup. Celui d'avant est horrible. Il y a Kurt Russell aussi dans le dernier. Génial. Et deux Fiat Punto montés. Il y a un Kitnos. Un Kitnos. Un peu ninja. Plus de but. Alors, on est dans le. C'est le week-end de Pâques actuellement où on enregistre ce podcast. Pâques. Vous étiez plutôt d'ailleurs religieux. C'est ta question. Vous êtes religieux. Vous êtes religieux. On pense à tous les agneaux qui vont tomber. Non, mais c'est plus team cloche ou team lapin de Pâques autour de la table. Ah, lapin, sans hésiter. Lapin. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment grandi avec les cloches. Hein. Moi, on me disait vraiment c'est les cloches qui passent. Ouais, moi cloche aussi. Cloche. Greg. J'ai pas été éduqué. Tu veux dire, c'était le chocolat pour moi. Donc voilà. Tu veux dire sur la légende de Pâques. Sur la légende de Pâques. Ah oui, si, c'était les cloches qui cachaient. Oui, c'est moi, j'avais les cloches. Attends, tu faisais Pâques. Oui, tu fais tes Pâques. Ouais. Et Pessard. Ouais. Attends, le mec il fait tout. Pessard qui est la Pâque juive. Il cache les œufs un peu partout. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais non, parce qu'il y a plein de teams lapins et en fait, on parle jamais des cloches dans le merchandising de Pâques. Non, mais je croyais que tu parlais de ce qu'on aimait manger comme chocolat, comme forme de chocolat. Non, non. Bah, des formes de cloches, ça n'existe pas, Nicolas. Bah, si, bien sûr. Chocolat, crachez-moi la gueule. Écoutez, j'en ai aucune idée. À quel point les cloches sont mégalos, c'est-à-dire qu'elles distribuent des chocolats qui ont leur propre forme. Ouais. C'est vraiment. Ils créent du chocolat à leur image. Le melon, quoi. Mais je me demande d'où ça vient, parce que les cloches, je suppose que c'est quand même le truc. J'ai l'impression quand même que le lapin, ça fait un peu truc qu'on a inventé plus tard. Ouais. Pour les athées. Ça fait un peu le lapin Nesquik, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu. Le lapin Lint. Comme le Père Noël, tu le lapin or de Lint. C'est Lint qui a inventé. Je pense que c'est du marketing. Je pense que c'est du market religieux qui est venu plus tard. Ouais, je pense que c'est pas très religieux, le lapin, moi je trouve. Ça fait truc de merde, mascotte quoi. Bon, je rappelle que moi j'aime bien le lapin, donc on va se calmer un petit peu. Non, mais moi, surtout qu'en fait, Pâques c'est quand même la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. De Jésus. Et c'est vrai que j'aurais dû me renseigner avant cette émission, mais je vais être sur Wikipédia pendant qu'on discute, ça va être très bien. Faire une pause. Donc les cloches, en fait, c'est l'annonce du retour justement. Ça a un sens pour moi, tu vois. Mais alors les œufs et le lapin. Ouais. Je vois pas le rapport avec la résurrection de Jésus-Christ. Moi, je peut-être, enfin, l'œuf dans plusieurs religions, ouais. C'est le symbole de la vie. Donc bah oui, ça peut être une explication. Je dis pas que c'est ça. Ouais, mais ouais. Ça peut être une explication, ouais, par exemple. Moi, je pense que l'explication, c'est que l'œuf, à l'époque où les premières fêtes un peu religieuses, un œuf c'était précieux, c'était le fruit quand même d'un travail de la terre. C'est pas un fruit du tout. Hein. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que quand t'avais un œuf, ça te nourrissait, etc. C'était le fruit d'un animal. Non, c'est pas un fruit vraiment. C'est le légume d'un. Mais peut-être une légumineuse. Je pense que du coup, pour fêter le retour de Jésus, on cachait des œufs qui étaient un aliment peut-être un peu riche, un peu partout dans le jardin. Protéiné, et du coup, par extension, on s'est dit, ah, dans le jardin, qu'est-ce qui est un petit peu espiègle, qui se cache un petit peu dans les bosquets, comme ça. Les petits lapins. Et derrière un petit trou du cul, hop, un petit œuf. Un œuf de lapin, bien sûr. Un œuf de lapin, parce que les. Ou alors, ça peut être les lapins qui disent, ah putain, il y a Jésus qui arrive. Et comme ça chie énormément, ça fait des petites graines. Et là, du coup, on s'amusait au départ à chercher des petites crottes de lapin. Et on s'est dit, c'est peut-être con de manger les crottes de lapin. On va peut-être faire du chocolat. Mais je pense. J'ai une explication. C'est une bonne explication. J'ai une explication qui me va moins que la tienne, donc on va plutôt partir sur la tienne. Non, mais alors l'œuf est un motif mythologique présent dans le récit de la création de nombreuses cultures et civilisations, ce que disait un peu Adrien. Voilà. Dans le Kalevala, alors je ne sais pas ce que c'est, livre de la grande tradition finlandaise, le monde est né de l'œuf, par exemple. Ou Kalevala. Et selon le judaïsme, l'œuf est un symbole du cycle de la vie. Voilà. Ainsi que du céder de la Pâque juive. Ah voilà, c'est le céder, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est que tu manges un œuf trempé dans de l'eau salée. Ouais. En gros, l'œuf. Fais ça, De Niro, dans Angel Heart de Alan Parker, devant Mickey Rourke. Oui. Dit, savez-vous que l'œuf est l'âme de l'individu. Avec une VF beaucoup plus convaincante. Beaucoup plus convaincante. Ce à quoi Mickey Rourke répond: non, je ne savais pas. J'ai vu une VF dégueulasse. Et De Niro lui dit: un screener. Si. Et il le mange, il le prend de l'œuf. Il mange. Cette scène géniale où il retire la peau avec ses ongles comme ça. Voilà. Là, de avec des ongles dégueulasses. Et pour finir, dans le christianisme, l'œuf, en fait, la résurrection du Christ et sa sortie du tombeau, c'est comme le poussin qui sort de l'œuf. Voilà, tout simplement. D'accord. D'où mais ça nous dit pas pour le lapin. Eh bien, pour le lapin. Et la praline. Ça me dit rien pour la praline. Podcast. Faites la recherche sur Wikipédia des nouvelles sur le lundi de Pâques. Ah ouais. Quel est le rapport entre un lapin et Jésus-Christ Jésus-Christ. Je recherche sur Wikipédia cet excellent site internet qui est sur internet. J-C. M-C. M-C. Q-U-E-S. Pâques. Ok, je suis sur le site leswebcam.overblog.com. Donc autant vous dire. Et pour le lapin, en fait, c'est juste clairement les confiseurs et chocolatiers. Okay. Ah, voilà. Il y a rien de religieux. D'accord. Voilà. Bah, ils voulaient un challenge, les mecs, parce qu'un œuf, faire, j'imagine que c'est pas super marrant. C'est chiant. Alors qu'un lapin, il y a toutes les oreilles, tous les trucs. Oreille pliée ou oreille droite, il y a deux écoles chez les chocolatiers. C'est vrai. Oh putain, j'ai vu sur BFM un chocolatier qui a commercialisé du chocolat en poudre à sniffer, en fait. Ouais, de la cocaïne. Du chocolat à priser. Et en fait, du coup, moi, je me demandais pourquoi. Et en fait, c'est pour les gens qui veulent pas grossir. Donc, ouais, c'est encore pire, je trouve. Enfin, tu dois sniffer du cacao. En fait, c'est même pas sniffer, en fait, c'est un truc que tu te fous dans le nez qui vraiment fait comme ça, genre tu te prends une énorme cacao. C'est un fixe de cacao dans le nez. Et tu deviens la Kate Moss de Suisse, marque, voilà, de Pâques. Et du coup, on est quoi? On est cacaoïnomane. Ouais, il y a un peu de ça. Un néologisme. Un néologisme qui a du sens. Et donc, pour l'émission, j'ai demandé un peu autour de la table si vous aviez des sujets intéressants. Et Nicolas Bernot m'a parlé d'un truc que j'ai trouvé cool et qui a un rapport un petit peu avec ce week-end de Pâques, et c'est très marrant parce qu'il me fait vraiment des gros yeux, genre de quoi tu parles. Laisse-moi terminer. Donc voilà, les cloches et tout, moi j'y croyais quand j'étais petit. Voilà, je pensais vraiment que les cloches apportaient les œufs dans le jardin. Et Nicolas m'a dit, putain, un sujet qui serait intéressant, c'est les petites désillusions d'enfants, les trucs auxquels on n'a plus cru en grandissant, comme par exemple effectivement les confiance cloches en sa mère, l'amour de son père, enfin ces choses qui ont disparu en grandissant. Qui se paume très vite. Et ben non, Nico, toi tu pensais à quoi par exemple? Je crois que tu m'avais parlé du Père Noël peut-être. Ouais, en fait, moi j'ai cru longtemps au Père Noël en fait. Jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à 10 ans. Ah non, dis rien, c'est pas que tu spoiles. Alors j'y ai plus cru donc à l'âge de 10 ans où en fait. le Noël ne se passait plus finalement chez nous et d'accord. devait se passer chez quelqu'un de ma famille. Et où j'ai vu en fait un transfert de cadeaux quand ma mère est arrivée chez ma tante, etc. À dire alors donc ça c'est pour Nicolas, chopé, etc. Donc tu les mets là et tout. Mm. Et j'ai dit mais pourquoi vous vous donnez des cadeaux alors que le Père Noël il est pas passé et mm. voilà et ça a été le moment où j'ai vu qu'il y avait plus d'excuses en fait dans le regard de mes parents et c'était genre bah parce qu'il nous les a confiés et j'ai fait ok c'est bon. Il nous a prêté sa bagnole en fait parce que là il a un truc à faire, il nous a laissé la Renault 21. Mais du coup j'ai eu un effet un peu Usual Suspect où j'ai revu plein de flashbacks comme ça de plein de ouais. Noël, j'ai fait mais alors ce jour là etc. Et à la fois c'est mignon en fait ces moments là parce qu'on ouais. se dit putain nos parents c'était trop cool, parce que je m'enfermais dans le couloir avec ma grand-mère. Pendant que mon père allait manger un bout de gâteau, ouvrait la fenêtre. On était dans un HLM, donc ridicule. Il n'allait pas descendre par la cheminée, il n'y en avait pas. Les pauvres. Donc il arrivait sur un balcon. Il arrivait sur un balcon. Et il buvait un peu dans le verre de lait et il mangeait un gâteau. Oui, voilà. Alors qu'en fait, c'était mon père qui s'appelait son verre de lait. C'était son repas de la semaine. Est-ce que son père, il faisait pareil et il laissait genre un morceau. Oui. Ça fait plus stylé. Dire, oh, il a pas eu le temps, il a dû se grouiller. Oui, tous les parents du monde ont ouais, fait ouais. ça. Ouais. C'était ça. Et il fallait que je me taise pour pas faire peur au Père Noël. Je lui disais, mais pourquoi je lui ferais peur, je suis un enfant. Ah oui, non, toi, il faisait croire qu'il venait en fait. Oui, et qu'en gros, il fallait que je reste dans le couloir avec ma grand-mère. Que je fasse pas un bruit le temps qu'il vienne, qu'il me pique un gâteau, cet enculé, à boire dans mon verre de lait pour me laisser deux panoplies. Pourri de D'Artagnan, enfin bon, non mais. Donc voilà, mais. Ouais. D'Artagnan, tu viens de trahir ton âge. Ouais, moi c'était Zorro, Yvan Noé, Jean Marais. Thierry Lafronde. Panoplie de Jean Marais. Une panoplie de Jean Marais. Du coup, j'avais une Gauloise et puis il y avait Cocteau en fait, tout le temps à côté de toi, comme ça, à dire mais viens, je te t'aime. Et un œillet. Et une photo de Cocteau. Bah c'est marrant parce que le Père Noël aussi, moi ça s'est fait sur 3 ans. Je pense qu'en fait, quand t'es enfant, tu veux y croire encore un petit peu. Ouais. Et moi ça s'est fait sur 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a première année, moi déjà c'était ma tante. Le déni, putain, mais. Moi, ouais. Non, mais moi en fait, ma famille elle faisait ce truc bizarre où le Père Noël venait et c'est quelqu'un de ma famille qui se déguisait. Ah en fait. Putain, oui. Ouais, ouais, moi aussi. Qui change de couleur chaque année déjà, non, ça commence à être le bordel. Mec, tu rigoles, mais c'est là où j'ai jamais compris ma famille, c'est qu'à la limite prenait le même mec chaque année. Parce que là sinon je vois que c'est pas la même chose. C'est comme les films où il y a des suites et ils te font genre, bah non, c'est le même acteur. Tu fais, bah non, il était brun dans le 1, qu'est-ce qui se passe? Jennifer de Retour au Futur. Voilà, par exemple. Et donc en gros, premier Noël, c'est ma tante qui se déguise en Père Noël. Déjà, c'est chelou. Et en fait, elle oublie les pompes. Je l'ai su après. Hein. Elle oublie les pompes du Père Noël et elle est en basket. Et elle se dit, bon, bah, je vais me faire griller. Et du coup, elle a pris des sacs poubelles qu'elle a mis par-dessus ses pompes pour faire genre, c'est des chaussures un peu noires. Les groseilles. Donc, déjà, je fais genre. La famille groseille. encore plus pauvre que moi. Du coup, déjà, je fais. T'as vraiment Gérard Jugnot. Ouais, c'est vrai, mais c'était ça. Donc, déjà, je vois ça, je fais genre, ok, c'est chelou. Mais non, bah, ok, le Père Noël a plus de thunes. Qu'est-ce qui se passe? Pas grave. Deuxième année, c'est mon oncle qui le fait. Et mon oncle, en fait, c'est un blagueur, donc il peut pas s'empêcher de dire des conneries. Il est en fauteuil roulant. Bon, il arrive en fauteuil, il rampe au sol. Parce qu'il va reconnaître mon fauteuil, donc je vais ramper pour poser. Donc il est venu en luge. Donc du coup, il dit des conneries et je reconnais sa voix. Donc je fais, ok, c'est bizarre. Parce que ton oncle est raciste en plus. Donc, non, mon oncle, non. Ça va. Mon oncle n'est pas raciste. Je suis mélangé avec mon père. Bisous. Et la troisième année où vraiment je n'y ai plus cru. Et ça a fait rire Adrien Méniel. C'est le mari de ma grand-mère qui a fait le Père Noël. Et le mari de ma grand-mère, en fait, est un Italien pur souche. Qui parle comme ça. Il parle comme ça tout le temps. Et là, il se met à faire le Père Noël italien. Et donc, il rentre et il fait « Bonjour les enfants, comment ça va ?» Et donc, personne n'y croit parce que vraiment, ça n'a aucun sens. Et il se met à faire des blagues et à dire « Oh, je vais faire un bisou sur la fesse droite de la mamie. » Je fais ah, quoi? Merde, il a le même humour que mon grand-père. Merde. Et il sent la petite gnôle, la petite poire qu'on a bu tout à l'heure. Je sens la même. Tiens, c'est marrant. Et vraiment, mais. Et du coup, là, clairement, je fais ok, il n'existe pas. Très bien. Et je le vois faire et continuer à essayer d'être drôle. En fait, il essayait d'être le Père Noël pour les enfants et de faire marrer les adultes. Ouais, ouais. Donc ça ne fonctionnait pas. Il essayait d'être un Pixar en fait. Qui plaît aux enfants mais qui fait quand même un peu rire les adultes. Il a inventé Pixar en fait. Son moyen c'est d'embrasser des fesses de vieilles dames, donc ça n'a pas marché. C'était horrible. Parce que mon grand-père, le mari de ma grand-mère, c'est vraiment un énorme beauf, gentil mais très beauf. Et du coup, il faisait d'énormes blagues de cul en étant déguisé en Père Noël. Et donc, clairement, il y a un truc de magie qui s'est cassé. Hein, surtout qu'il n'avait pas de pantalon et pas de sous-vêtements. Donc, vraiment, ça a cassé la magie. Et l'esprit de Noël. De façon très forte. L'esprit de Noël, c'est un peu votre. Il a déposé son sexe sur cette bûche de glace. Là, j'ai dit, tout est foutu. Il a fait fondre la bûche de glace avec son sexe. Ça a pris 10-15 minutes. Ah, tiens, il reste de la bûche. Et toi aussi, c'était des gens qui se déguisaient, Adrien, pour le Père Noël ? Ouais, moi, c'était des gens qui se déguisaient. Et généralement, le stratagème, c'était. Soudainement, j'étais appelé dans une pièce, genre ah, mais dis donc, t'as vu le truc là-haut ? Parce qu'il faut que t'ailles voir, ouais. Je sais pas quoi, mais pour un truc complètement bidon qui avait rien à voir avec Noël. Ouais, donc je montais, je disais, bon, vous me faites chier, c'est quand même Noël, pourquoi vous m'emmerdez à aller regarder c'est le papier poche aujourd'hui quoi. Qu'il y a un chat, il y a vraiment un jour où il faut que vous foutez la paix, c'est là. Et après, j'entendais, parce que bon, moi j'habitais dans une maison avec un étage, donc généralement il me faisait monter à l'étage. Puis une batterie, il avait tout. Et généralement j'entendais ensuite Ah, il y a le Père Noël, le Père Noël. Et du coup je descendais, genre ma mère me disait oh là là, il y a le Père Noël. Et donc je descendais, et généralement c'était quelqu'un qui était déguisé en Père Noël et qui faisait genre je me casse quoi. Et donc moi j'arrivais dans le jardin en courant, oui. Et je voyais au loin. Le Père Noël, genre qui se barrait, donc tu ça vois, marchait mais, à la limite. Donc ça marchait parce qu'il faisait nuit, ou enfin tu vois, il me faisait croire des trucs, il machin. Et puis après, il dit ah ben regarde, tu l'as vu son traîneau. Alors, je dis bah non, il fait ah dommage, tu l'as raté. Donc, bon, je me sentais un peu comme un loser quoi. Mais, t'avais des mais du coup, il y avait quand même ce truc un peu, j'y croyais quoi. Et je, par contre, je sais pas du tout, donc c'est tout à fait pas dans le thème de l'émission, mais quand j'ai arrêté d'y croire, je me souviens pas du tout. Ah ouais. Je pense que c'est juste mes parents qui un jour m'ont dit après une cuite. Bon écoute, on divorce donc on s'en bat les couilles de... tu te rends bien compte que je vais pas faire le Père Noël. Le truc auquel il fallait croire c'était l'amour. Déjà c'est voilà, c'est tout vient de s'écrouler. Donc les barbus, les trucs, les cadeaux, on aura des conneries. Il y a pas de Père Noël, et d'ailleurs en parlant de père, tu verras le tien seulement un week-end sur deux à partir de maintenant. D'accord. Allez. Et sinon j'ai oublié de t'acheter un cadeau parce que ça coûte de l'argent un divorce. Allez. Moi, comme Adrien, en fait, je me rappelle vraiment plus trop quand j'ai arrêté d'y croire. Et c'est marrant que tu dises là le mari de ta grand-mère, parce que moi aussi, il y avait une personne comme ça qui s'était déguisée, mais lui, il avait une spécialité, c'est qu'en fait, il puait la pisse. Mais vraiment, il puait la pisse, quoi. Et un jour, je l'ai vu arriver, mais je croyais déjà plus au Père Noël. Hein. Je savais que c'était lui, parce que le mec, avant d'arriver, déjà, je savais qu'il était là dans la salle, quoi. Tu vois. Tellement ça puait. Il sentait la pisse. Ah, attends, juste, pardon. C'est qui ? Quelqu'un de ta famille ou c'est un gars qui prenait dans la rue ? C'est pas un ami de ma mère, c'est un ami d'une amie de ma mère, quoi. Voilà. Qui faisait Noël avec vous tous les ans, quoi. Ouais, bah en fait, moi, ma famille, ça s'arrête vraiment à ma mère et ma sœur, donc on n'a jamais fait non plus des gros Noël. Donc ils gonflaient les rangs avec des gens qui n'étaient pas de la famille, quoi. Voilà. Genre, ah, tiens, toi, là, tu fais rien, là. Voilà, c'est ça. Je te paye une bière et tu d'accord. Fais... Excuse-moi de me rappeler à quel point ma famille était si peu nombreuse. Et est-ce que, avant de ne plus y croire, tu as cru longtemps que le Père Noël, pour toi, il sentait la pisse ? Ouais. Ah, c'est le mec qui pue la pisse, j'ai son numéro, c'est 35, 65, 65. Et tu disais, mais pourquoi les gens fêtent un mec qui pue la pisse ? Je comprends pas. Non, mais vraiment, moi, c'est un truc. Je m'en rappelle plus du tout. C'est après Noël, c'est jamais un truc qui m'a fait kiffer non plus. Donc voilà, moi ça me parle pas trop ces trucs-là en fait. Donc, voilà. D'accord. Et toi Vincent, un truc un peu Noël Comment je l'ai oublié. Alors par contre, mon père était plus inventif. Il aimait aussi pareil me tester mon imagination quoi. Et donc il me mettait à la fenêtre. Pas de problème. Il mettait à la fenêtre et il me disait tiens mais regarde le traîneau, ah, mais là tu le vois, et au bout d'une demi-heure je voyais des choses. Je voyais un putain de traîneau, je faisais là, je l'ai vu là. Mon père disait ah mais c'est marrant, là je le vois pas du tout, mais je disais putain il y a 5 rennes derrière et tout. Donc il me faisait pas un mytho dingue non plus à me dire tiens regarde, il y a Anne Sinclair en train de faire le moonwalk sur les tuiles de cette magnifique baraque qui nous abrite du soleil et du vent. Donc voilà, on était déjà fiers d'avoir du placoplâtre pour nous isoler du froid dehors de l'hiver. L'hiver des années 50 qui était l'hiver 54, hein, on salue. Et plus rigoureux. Hashtag l'abbé Pierre. Donc voilà, donc il me faisait des mythos pareil. Et ensuite, on sonnait une espèce de cloche de vache qu'on avait récupérée, je sais pas où. Et dès que j'entendais ce glong glong glong glong glong glong. La denrée, du coup, quand t'entendais la denrée. Oui, ou un dindon. Ouais. Voilà. Le dindon de Noël. Il dressait le dindon de Noël, juste avant de le tuer. Le dernier râle. Jacques Villeray dans la soupe au chou. Voilà, non, c'était génial. Et mais j'ai senti le mytho aussi. Quand j'y ai cru, quand j'ai plus cru non plus, pareil, je me suis refait tout un. J'ai eu des, comme ça, des flashbacks en noir et blanc avec j'imaginais mon père en train de picoler des. Il y avait du piano. Voilà tout ça. Il y avait du piano sur tes flashbacks. Ouais, du Chopin. C'était triste. C'était vraiment pas bien. Moi j'avais du C. Jérôme. C'était vraiment triste. Mais on n'avait pas de costume de Noël. Personne n'était déguisé. Non. C'était que du vraiment de l'imaginaire tout le temps. Du bruit de. Ça, c'est un mec crevé de froid. C'était le Père Noël. C'était une pote de Grégoire. Coup de bol, un mec crevé de froid à ce moment-là. C'était plus la pisse. C'était Père Lapisse. Non, mais même maintenant, quand t'es jeune, là, en 2015, si t'es pas trop con, tu te rends compte qu'il n'existe pas dans le sens où, déjà, tu vas dans un supermarché, t'en vois 8 de. Oui, alors moi, mes parents me disaient, non, ça, c'est des employés pour le Père Noël, ce qui peut pas être partout. Mais eux, c'est pas les vrais. Oui, mais alors tu le déguises pas en Père Noël. Moi, je me faisais prendre en photo à Vélizy 2 avec des Pères Noël et. J'étais persuadé sur le moment que c'était le Père Noël. Oui, quand même que le Père Noël, il distribue des cadeaux partout dans le monde en une nuit, donc il peut être dans 200 lutins. Commerciaux à 10 minutes. Mais on vient de te dire qu'il n'existe pas. Mais il a des lutins. Et non, mais ton argument n'était pas valable, genre il peut pas être partout. Si, ouais. C'est le principe du Père Noël, il peut être il peut se déplacer très vite, quoi. Et est-ce que vous avez fait ça à l'époque, justement, des numéros payants, d'appeler le Père Noël? Bonjour. Une fois. Bonjour. C'est le Père Noël. Comment tu t'appelles, Nicolas? Bonjour Julien. Et Moi je l'insultais. C'est vrai. Juste pour dire, des putes. C'est formidable. Je l'ai traité. Et mais t'y croyais déjà plus là. J'y croyais plus déjà. Ouais, voilà. Bah déjà, t'avais déjà 32 ans à l'époque. Voilà. Mais non. Je veux dire, avant de venir, j'ai fait ça. J'ai fait un Vine. J'ai fait un super Vine sur Emmanuel. Non, mais c'était les films aussi qui nous niquaient complètement le truc. Tu regardais n'importe quel téléfilm de Noël d'M6. Ouais. Tu matais ça et ils disaient, ouais, le Père Noël. Bon, il existe pas vraiment. Mais je dis, quoi ouais, et vraiment dans le scénar, il y avait un gosse qui l'apprenait, un truc comme ça. Et qui était un an plus vieux que toi, donc c'était foutu, c'était niqué. C'est vrai. Mais du coup, moi, je sais pas si je ferais le. Après, tu peux pas te projeter, tu vois. Si t'as 11 gosses, par exemple. Si j'ai 11 demain, t'as 11 enfants. Déjà, c'est fou. C'est fou. Mais tu as déjà essayé d'avoir une meuf. T'as fait de Ouais, mais c'est important, mon pote, pour faire des enfants. Il faut une meuf. Faut ça avant. Ouais, oui. Merde, t'as peut-être perdu une illusion d'enfance. Ouais, là, j'ai perdu une petite illusion d'enfance. Non, mais si j'ai des gosses, je sais pas si je m'amuserais à déguiser quelqu'un de ma famille ou. Ah ouais. Par exemple, là, récemment, on m'a demandé récemment à Noël, pas dernier, celui d'avant, de me déguiser. J'ai fait, oh non, pas du tout. Et je sais pas si je m'amuserais à dire, dans les films américains, ils se déguisent jamais, par exemple. Enfin, c'est le vrai qui arrive. Non, mais je veux dire, même dans les. Enfin, vous faites souvent, ils vont se coucher et le lendemain matin, c'est Noël. Mais le truc des cadeaux, la veille de Noël, j'ai l'impression que c'est plus un truc français. Ouais, peut-être. Manger ensemble. Mais je crois que les vrais gens hardcore, genre tradition. Genre Jésus-Christ, par exemple. Voilà. Le mec, lui, à Noël, il est chiant. C'est lui, relou, quoi. Mon anniv. Non, mais y a que des cadeaux pour lui déjà. Ouais. Il n'y a pas de raison. Tu me fais quoi? Non, mais les gens, genre tradition hardcore et tout, je crois qu'ils font le truc de les cadeaux, c'est seulement le lendemain matin et tout. Je crois, même en France. Moi, ça m'arrivait de le faire et je trouve que c'est horrible en fait comme tradition. Déjà, quand t'es petit, t'as pas envie de rester 4 heures à table quand c'est les grandes tablées. Ouais. T'as qu'une envie, c'est de jouer avec les jouets que tu viens d'ouvrir. Et le truc de non, demain matin, du coup, tu dors pas de la nuit. Tu réveilles tes parents à 5h. De coca. Tu arrives tes parents à 5h, là t'as un mec qui pue la pisse, tu sais pas ce qu'il fout là. Qu'est-ce qu'on a comme haute désillusion d'enfance en vrai? Moi j'ai cru longtemps que j'avais des pouvoirs. C'est génial, ça. En fait, j'ai cru longtemps que quand je sautais, il y avait dans le centre de loisirs où j'allais le mercredi, il y avait plein de pylônes comme ça en bois à hauteur de genoux. Et on s'amusait à sauter. De rondin en rondin. Et j'avais l'impression pendant le moment du saut que je pouvais choisir de rester légèrement en lévitation. J'avais l'impression de voler un tout petit peu, quoi. Putain, c'est beau. Et je l'ai cru longtemps. C'est-à-dire que quand je le faisais, je me disais, et là je planais, là je contrôle et hop là j'arrive. Et sans aucune drogue, rien du tout. Mais ça, je pense que en fait tu étais un peu con en fait. Non, mais j'étais fan de Michael Jordan. J'étais en plein dans la basket mania et Adrien Méniel va me rejoindre sur ce point. Pareil. Bah moi aussi, j'avais un petit panneau Chicago Bulls. Ah bah mais pareil. Et bah voilà. Parce que c'était la mode. Et puis c'est en train de revenir complètement. Et donc tu pouvais voler. Mais en fait ça, c'est parce que justement ton enfance est partie. C'est là. Parce que tu voles encore en fait. Ouais. Si tu y penses, si tu le veux, c'est Hook. C'est Hook, j'avais. C'est vrai, c'est Allez. Hook. Une queue, Peter Pan. Une pensée agréable comme Pissé. Petite pensée pour Robin Williams aussi. Ah, Robin Williams, d'ailleurs, j'ai vu un truc marrant. Je change un peu de sujet. Il a en fait, ils se sont rendus compte. Il s'est pendu, mais c'est pas drôle, par contre. Je comprends pas pourquoi tu l'as. J'ai voulu couper. Non, il a signé un truc avant de mourir. Enfin, pas juste pendu. Avant, mais avant. Un chèque. Non, en gros, il a interdit pendant 25 ans qu'on utilise son visage en numérique. Justement, ça rejoint un peu super. Paul Walker. Par exemple, d'accord. Paul Walker, dans Fast and Furious 7, il y a des scènes où il est remis numériquement, en fait, parce qu'il n'avait pas tourné toutes ses scènes au moment du tournage, donc ils l'ont refait numériquement, mais ça passe très bien. Hein. Et tu vois pas la différence ? Non, ça va. Tu le grilles vite fait sur un plan, mais sinon ça va. Genre en mode Benjamin Button, quoi. Putain. Voilà, un peu ça. Et Robin Williams, il a signé un truc qui interdit des films de faire ça. Mais pendant 25 ans seulement. Mais alors que pendant 25 ans, donc je pense que ça doit coûter une blinde, en fait, ouais. de signer ce truc-là. Bah, c'est vrai qu'on avait eu un débat avec Vincent là-dessus, parce qu'on se disait que c'est. Enfin, t'imagines, là en ce moment par exemple il y a Fernandel dans les pubs Puget avec Michel Boujna, c'est honteux. Quoi? C'est... Ouais, t'as jamais vu? Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette info? Moi je regarde pas la télé. Non, t'as jamais vu ça? Ah non, jamais. Et en gros, on était tout seul, puis là il y a Boujna et Fernandel. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et les huiles d'oliva, c'est fou. Le mec il me dit, voilà. C'est dingue, je ferme les yeux, je vois les deux. Bon huile, bon vinaigre. Non, ça c'est Bourville. C'est la prochaine pub. C'est pas possible, qu'est-ce qu'on va mettre dans la salade? Ah bah non, mais justement, tiens, lui, bah par ça, exemple, c'est donc est, comment je n'ai pas lui, tué, ouais, bah, je n'ai pas mangé de salade. Jamel. Et non, mais par exemple, on débattait là-dessus, parce qu'en fait, imagine toute ta vie, tu dis, bon, ok, je fais aucune pub, j'ai pas besoin de ça, imagine, j'ai une grosse intégrité artistique, je refuse toute ma vie de faire de la publicité, tu décèdes, deux ans après, tu fais blab, tampax. Mais là, du coup, moi, je comprends pas ce que j'avais. Déjà, les pubs Ford. Où il y avait Steve McQueen, Hitchcock, ou même là, oui, Citroën, c'est encore pire, avec John Lennon qui fait un speech et après on vend une bagnole. Ouais, grandis, mon gars. Je me dis, ce qui est tendu surtout, c'est grandis. Que les familles, parce que je pense que si ces personnes-là voyaient ça, seraient outrées. Mais les familles, elles en ont rien à foutre. Bah. Parce que Fernandel, ils ont clairement vendu les droits, ils s'en foutent. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toute une histoire justement autour de ça, c'est eux qui ont. Ouais, bah oui, bah, je pense que quand même l'image de quelqu'un, tu peux pas l'exploiter comme ça comme tu veux. Donc bah, normalement tu demandes aux ayants droit. Oui, mais les ayants droit ils s'en foutent. Oui, voilà. Bah, ouais, bah, dans le cas de Funès, dans le Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Ouais. Apparemment un des fils de Funès a participé à l'écriture du film et du coup a autorisé, tu vois, ce qu'on utilise l'image de son père, etc. Moi j'ai fait des voix sur ça. J'ai fait le bon, fait Jamel, en fait il a imité Jamel pendant une heure et demie. Zinedine Zidane. Ah oui, tu l'as. Putain, on l'a refait, monsieur Bernot, on l'a refait. Donc c'est bien au top, hein. Mais c'était assez marrant d'ailleurs à faire, parce qu'on était pendant 3 jours en studio avec plein de comédiens, parce que c'était pour faire tous les sons d'ambiance, de foule, de conseils des chefs, etc. Puis on faisait des mini rôles, donc on a fait littéralement les singes pendant 3 jours. Et donc il y avait des singes, des vrais singes, ouais. Attends, d'accord, je ne savais pas. Ouais, vous faisiez les singes. Ouais. D'accord, je crois que c'était une expression. Oh, non, on a fait le singe. On a fait les clowns. Ah ouais, littéralement. Les joyeux zigotos. Non, mais on a vraiment fait le singe, qu'il y avait besoin. Il y a certains passages où ils sont en mode un peu primitif. Ah oui, d'accord. Mmh. Et ensuite ils parlent. Donc on a fait ça aussi. Mais le procédé justement technique. Du coup, on voyait. Il y avait des plans qui étaient entièrement modélisés, d'autres qui étaient encore en work in progress. Et pour De Funès, en gros, ils ont pris un acteur qui a imité De Funès pour la gestuelle, pour les expressions, etc. Mmh. Et ensuite, il y a un logiciel, apparemment, qui prend la synthèse, qui fait la synthèse de toutes les répliques de Funès dans tous ses films. D'accord. Pour recréer la fréquence de sa voix. Oui, etc. Apparemment, ils ont bossé le truc à la fin. Quoi. Ouf. Mais moi, c'est un procédé qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est pas qu'ils le fassent, c'est que tu regardes sur l'affiche Allociné du film, il y a marqué un film avec Jamel Debbouze et Louis de Funès. Et tu vois dans les photos, tu vois une photo de Louis de Funès, bah, évidemment, avant qu'il meure. Ouais. Et c'est ce procédé-là. Moi, qu'on dise, voilà, avec De Funès, avec la. Je sais pas comment dire, mais qu'on explique que c'est un procédé technique, qu'on fasse pas croire qu'il y a De Funès. Oui, oui, oui, parce que c'est pas le vrai Louis de Funès qui joue dedans, quoi. Après, il aurait peut-être pu le tourner il y a super longtemps, mais ça, on sait pas. Mais. C'est marrant, à la base, on parlait de Robin Williams. Hein, ouais, on divague, mais c'est ça, c'est un peu le principe de l'émission. Mais j'aimerais juste, d'ailleurs, pour reparler des petites désillusions d'enfants. Moi, il y a aussi quand je suis passé au collège et au lycée, ouais. Et où je me suis rendu compte que ce serait pas le collège et le lycée du cinéma. Ouais. Moi, par exemple, j'étais persuadé que j'allais avoir un grand casier, tu vois, où je pourrais mettre des photos d'Oam et des posters de Sum 41 et de Limp Bizkit. Et en fait, pas du tout. C'était des petits casiers carrés de merde. Ah, t'avais des casiers, toi ? Moi, j'avais des casiers, mais tout pourris. En fait, c'était carré jaune. Tu vois. J'en ai pas eu au début parce que j'étais externe et les externes, ils avaient pas besoin de casiers, mais les demi-pensionnaires ou les internes, ils en avaient parce qu'ils avaient toute leur journée de cours dans le sac. Ouais. Et moi, en plus, je fais partie de la génération où le poids des sacs, c'était vraiment le grand drame de l'école. Comme ça a duré. Les chiffres viennent tomber 12 kilos par enfant en 6e. Ça brise les dos et tout. Et donc, du coup, ils avaient mis des casiers pour qu'on range les trucs. Mais c'était pas du tout les casiers comme dans les films américains trop cool. Et il y avait pas de, moi par exemple quand j'ai quitté le CM2, je m'étais dit putain c'est cool, je vais aller au collège et je vais pouvoir être journaliste au journal du collège. Sauf que ça n'existe absolument pas. C'est-à-dire c'est vraiment ça, à aucun moment ça a existé, tu vois. Le club de théâtre et tout, c'est fou, c'est naze. L'équipe de football, tu joues Ganarelle alors que tu voulais jouer Peter Pan accroché avec un câble. Je vais jouer Peter Pan et donner un baiser avec un dé. Non, tu joueras pas Peter Pan. Le bal de promo aussi, t'as trop envie du bal de promo. Nous, on a réussi au lycée à négocier pour avoir un bal de promo. Ah oui. On s'est battu pour avoir un bal de promo au lycée. On s'est battu littéralement. On s'est battu contre le prof d'SVT, contre Monsieur Philibert. On lui a cassé l'arcade. À la nuque, il commence à le travailler au foie. Est-ce qu'il s'appelait vraiment comme ça ? C'était un prof d'SVT que j'avais au collège, Monsieur Philibert, mais qui était excellent. Et d'ailleurs, moi, j'ai lu un petit truc, parce qu'on part, tout va à volo, mais ça me fait marrer. Moi j'ai grandi à Autun, une petite ville en Bourgogne. Ah, je connais, moi je connais. Thierry le connaît. Et il y a une petite. Je vous lis l'article que j'ai lu sur 20 minutes. La ville d'Autun, Saône-et-Loire, se dotera à partir de mi-avril d'un crieur public qui déclamera les messages de la population. A-t-on appris vendredi auprès de la municipalité. Je me suis cassé de cette ville parce qu'il y avait trop de vieux et que je me sentais pas bien. C'est génial. Et vraiment. Pour les retours des dragons. Et du lisier sur les murs. L'arrivée d'Internet est prévue pour 2020. C'est génial. Moi, écoute, alors, des urnes ont été déposées dans différents points de la ville afin de recueillir les bulletins des habitants. Le contenu des messages sera le plus varié possible. Il s'agira de pensées ou de messages personnels, de petites annonces, des coups de cœur ou de coups de gueule. A déclaré le comédien. C'est Twitter. A déclaré le comédien et futur crieur public, Yann Lejeune, 32 ans. Yann Lejeune va faire ça. C'est marrant. Mais, Yann Lejeune, mais toute la journée, le mec ? Non, c'est à part. Alors, justement. Ça doit être bien casse-couille toute la journée, quand même. En redingote et chapeau haute forme, le crieur public arpentera les allées du marché d'Autun au moins une fois par mois. Pour diffuser les messages. C'est génial pour dire Madame Bourguignon, veux-tu bien fermer ta gueule entre 14h et 17h. Votre BX n'a rien à faire dans l'allée de la Verte Vallée. Votre BX doit être mieux gonflé afin d'adhérer à la route. Attention, sécurité, deux bandes blanches, sécurité. Mais c'est là où tu te rends compte que les intermittents galèrent. Parce que moi, je suis capable de le faire, ça. Ah non, j'ai fait pire, mon gars. Oh là là. J'ai fait presque ça. C'était pour demander aux gens de rentrer dans un resto, une sorte de resto, je vais pas leur faire la pub tiens d'ailleurs, une sorte de resto foireux, genre prêt à manger mais en pire, non, vraiment un truc trop cher et tout, un truc qui venait de Belgique. Léon de Bruxelles. Vraiment pas connu en plus. Il y en avait plusieurs du coup, c'était à Châtelet, machin, etc. Et fallait que je fasse des checks aux gens et on les comptait pratiquement. Ah non. Et je faisais check, ok machin, tu veux rentrer ici, on a ça. Et je déblatérais des conneries avec des intérieurs de sandwich et tout. Et je t'admire. Voilà. Ouais, franchement. Et j'ai fait des checks. Genre, en fait, il y avait plusieurs personnes. Je m'appelais Billy Bob, c'était mon nom. Oh, je dis pas le nom parce qu'en fait c'était le nom. Je sais ce que c'est alors du coup. Ouais, Billy Bob, c'était ça. Et j'étais le personnage du truc, donc j'étais déguisé en cuistot avec un truc. Et on a des sauces à volonté avec des frites, non ? Franchement, en fait, j'avais rien à dire. Ils m'ont dit, tu leur vends rien. Mais je vendais rien. Les gens me disaient juste, ok, j'en ai rien à foutre. Donc en fait, je leur disais, mec, t'aimes quoi ? T'aimes les avocats ? Ouais, on a des avocats. En fait, je me lâchais complètement parce que j'en avais plus rien à foutre, quoi. Et j'étais dans des escalators. Et chaque personne qui était avec moi, il y avait des hôtesses et des hôtes. Ils avaient une pancarte du style tu, l'autre c'était une pancarte A, l'autre c'était une pancarte envie, l'autre c'était une pancarte. Ils avaient chacun une pancarte avec des bouts de phrases. C'était et la phrase c'était tu as envie de manger, ça tombe bien, fais un check à Billy Bob. Mais ils étaient 38 du coup. Ils étaient 10, un truc comme ça. Ils se faisaient chier leur race parce qu'eux ils bougeaient pas. Et moi non. Et je faisais des checks. Oui, mais t'étais intermittent. Voilà. J'étais intermittent. Oh, j'étais comédien lol. Et il y a un mec qui m'a dit courage petit, est-ce qu'il sentait la pisse ? Claude Brasseur. Possiblement un mec. Non mais qui... il m'a pissé dessus. Mais tiens, tu passeras le flambeau, allez, salut Kiki, salut toi. Et bon bref voilà. Et en tout cas il y a Horatica qui est arrivé et je lui ai dit bonjour, pour mes cachets intermittents. Et j'ai tendu ma main, elle a fait ah. Et elle a retiré son gant comme ça, elle a fait check. Ah, elle est passée. Ah, ça, c'est bon. Sympa. Elle est sympa. Ah, c'était gentil. Et après, c'est désinfecté avec le. Juste une petite anecdote justement, justement. Par rapport aux désillusions et aux petits boulots, du coup, ouais. J'ai fait le Père Noël, moi. Ah! Oh. J'ai fait la tournée des marchés en fait. J'ai été Père Noël à Arpajon, au marché d'Arpajon. Ah mon gars! Ouais. Wow. J'avais un scooter à l'époque et j'avais tout mon costume dans une hotte. Père Noël en scooter, ouais, des rennes, c'était beaucoup Père trop Noël cher. En scooter, en Biwiz, c'était des petits scooters un peu de racaille et tout. Oui, ça envoie ça un peu. Et j'allais jusqu'à la station la plus proche de Paris en RER avec donc mon scooter, avec une hotte en osier derrière le dos, avec le costume de Père Noël. Oh, putain. Et j'arrivais à 6h30 du matin sur le site. Et à 6h30 du matin pour les commerçants, dans le seul restaurant qui est ouvert, toi t'es au café, t'as froid, t'es pas bien, ils sont à l'entrecôte frites. Parce qu'eux ils sont debout depuis 2h du matin, donc au moment de ton petit déjeuner, etc. Et du coup c'était marrant parce que j'ai recréé un peu les illusions des enfants, entre guillemets, le temps des marchés. J'avais clairement pas le physique du Père Noël, donc j'ai eu tous les trucs de « Ah bah dis donc, il est un peu jeune le Père Noël, elle est où la maman Noël ?» Et tous ces trucs-là comme ça. Les boules de Noël. Ouais voilà. Et la bite de Noël. Non, ça marche pas. Il y avait le commissaire du marché qui disait « Voilà, alors bon, là tu te balades dans telle zone, par contre cette zone-là tu l'évites absolument. » Et je me suis perdu à un moment donné sur le marché. Et je devais être dans cette zone qu'il fallait éviter absolument parce que je sentais que ça tirait sur ma hotte comme ça. C'était comme Morsaille. Il y avait, ouais, truand de la galère. Il y avait une dizaine de racailles qui étaient autour de moi et qui étaient en train de me choper en fait mes pochettes cadeaux dans la hotte comme ça. Genre en mode vas-y fils de pute, vas-y balance des Popeye. Ouais voilà, tout. Mais après j'ai vu des trucs tristes aussi, des parents qui disaient je peux prendre deux pochettes parce qu'on n'a rien à offrir aux gamins, etc. Et t'as dit bah non, c'est Morsay qui les a, donc allez voir avec lui, voilà, achète lui un t-shirt et puis t'auras peut-être un... Il m'a pris deux cahiers d'Oral Explo. Non, je suis désolé. Putain, c'est très beau ton histoire, j'ai envie de voir un bouquin Autant des marchés. Nicolas Bernot. Mais d'ailleurs dans les désillusions d'enfants, moi c'était à Disneyland, ouais. Où il y a aussi... Si vous ne savez pas à quel point le fait que les Mickey, Donald, plutôt ne parlent pas, parce que vu qu'il y a, enfin tu vois, tu peux pas faire la voix en fait de Donald ou Mickey. Bah, ouais. Le fait qu'ils parlent pas, il y a tellement d'enfants qui se rendent compte qu'ils ne sont pas réels à partir du moment où ils le rencontrent et que Mickey, bon là, je peux pas vous le faire en radio, mais qui du coup ne dit rien, mais fait juste des petits mouvements de La vie est belle. Oh, bonjour Mickey. Mais non, il peut pas parler, tu vois. Et donc du coup, il met ses mains sur sa bouche, il met ses mains sur ses oreilles. Ouais. Et tu vois, et les enfants font bah parle, enfoiré, qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Et le snob. Et les parents, et en fait, t'as l'impression que les parents oublient toujours que Mickey va jamais parler, et du coup, ils n'ont jamais d'excuses. Tu vois, les enfants, ils se retournent tout le temps vers leurs parents, genre mais pourquoi Mickey il parle pas? Ah, peut-être qu'il est fatigué. C'est palpable souvent ça. Moi, j'ai fêté mes 18 ans à Disney. Ah, Adrien Méniel se moque tellement. Voilà, il se moque. Dans les tasses, trois heures de tasses. J'étais dans les bungalows Davy Crockett. Ah, oui. Voilà, ça c'était chiant. Et, parce que c'est loin en plus du parc. T'étais pas au Sequoia Lodge. Non, mais, ouais, mais j'étais loin du parc et en plus ils avaient pris un bungalow où j'ai dormi avec ma tante. Ah oui, nul à chier. Top nickel. Ça. Pour un anniv. À 18 ans. J'ai dormi avec ma tante. Et après, le soir de mon anniversaire, la surprise c'était ce soir on dort pas au bungalow, on dort au Disney Hotel, le Princess Hotel. Ah, la classe. Princess Hotel. Truc 4 étoiles, ouais. Tu montes en standing. Ouais. Sauf que le restaurant qui se la raconte classe, en fait, c'est un buffet à volonté. Qui et là, se la raconte classe. Bah oui, c'est t'as le restaurant des explorateurs ou je sais plus quoi, ou un truc comme ça. Ou le restaurant Jules Verne, je sais plus. Et là, en fait, c'est n'importe quoi parce qu'il y a plein de gens qui fêtent leurs anniversaires. Donc tu vois plein de. Tout le monde est unique, au final. Tout le monde est unique. Tu vois plein de parades et il y a une espèce de cacophonie d'anniversaire. Et ce qui m'avait fait marrer, c'est juste donc on venait de finir de manger, on allait arriver au dessert et j'avais envie d'aller aux toilettes. Pour chier. Et ma mère me dit non, tu vas pas aux toilettes. Et là je fais mais attends si je vais aux toilettes. Et on commence à rigoler. J'ai 18 ans. Ouais. Et là je commence à me lever à dire non mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai 18 attends, ans. Attends, comment tu parles à ta mère déjà? Pardon. Ouais. Non. Ouais. J'ai dit tu te fous de moi? Attends que je prenne mon envol et que j'aille chier. Ouais. Bonne fois pour toutes maman. Et là en fait je me retourne et là et il y avait Dingo. Dingo juste avec je sais même plus qui y avait. qui m'attendait en fait pour commencer à chanter la chanson avec le gâteau, avec les trucs, les feux de Bengale. Et t'avais 18 ans. Et tu avais 18 ans. J'avais 18 ans. Moi, tu rigoles quand même, jusqu'à mes 18 ans, je fêtais tous mes anniversaires au Flunch. Ouais, et parce tu pissais au lit en plus. Parce que, ouais, c'est vrai, j'ai pissé au lit jusqu'à 15 ans et demi. Et je t'emmerde. Et, et parce que Flunchy, en fait, il t'offrait le cadeau si tu venais le jour, le lendemain ou la veille de ton anniversaire. Et à chaque fois, merde, foutait l'ange. Jusqu'à 18 ans, je suis allé au Flunch. Chez Flunch, les légumes sont à volonté, si je ne m'abuse. Ce qui permet de chier. Chez Flunch, les légumes sont à volonté. Non, non, maintenant, c'est Yag chez Flunch qu'on peut fluncher. C'est beaucoup pas bien, une nouvelle pub. C'est toi qui as fait le jingle. C'est une bonne idée, en tout cas. La, on dirait la voix de Benabar, en plus. Regarde, oui, cette j'ai vu cette pub. Ouais, c'est, ouais. Mais c'est Benabar, non ? Oh non. C'est, non, je pense pas. Oui, moi aussi, d'ailleurs, c'est la question que je me posais. Il y a aussi l'autre, une pub pour les pneus. Je sais plus ce que c'est. Et à la fin, je suis persuadé que c'est la voix de Benabar. Et je me dis, c'est pas possible qu'il fasse une pub là-dessus. Peut-être qu'il a enchaîné Flunch et les pneus. C'était la pub où tu entends Patrick Bosso qui est dedans. C'est quoi ? Génial. Là, vous. Ah oui. Et la voix, il fait pas de stress. Y a point S. Et on dirait trop la voix de Benabar. Ça se cherche sur Google. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais je le ferai pas. D'accord. Top. Je vous conseille d'aller voir le spectacle de Greg. Je vous le dis, on vous le dit tous. On a chialé de rire. Ouais. Et chialé d'émotion. Et chialé d'émotion. C'est vraiment. C'est un beau petit mélange. Comme Greg. Tu joues encore là ou tu as fini? Bah écoute, le spectacle marchait vraiment pas. Du coup, pour le moment, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle. Tu dirais qu'en com, t'es plutôt bon. Ah non, non. Com, non, c'est vrai que t'as pas bossé dans la com avant. Écoute, attends, je le refais. Écoute, le spectacle a cartonné. Là, on est en train de négocier avec le Stade de France. Il y a un partenariat avec le Stade. On veut faire Greg Romano bourre le Stade de France. Non, non, mais là, c'est un scandale qui ça marche pas vraiment. Pas du léchage de boule, ouais. Mais j'ai envie de te lécher le cul quand même. Non, mais il était tellement bien, c'est impensable que ça se remplisse ouais, pas. Bah écoute, ouais, non, ça, non, là je fais une tournée et normalement je vais faire des dates exceptionnelles sur Paris. Voilà. Est-ce qu'on peut dire les dates? Bah si, j'ai des dates de tournée à Lyon, je joue, je crois, c'est en avril, fin avril. D'accord. À Laval, est-ce que sinon, je fais des premières parties aussi d'Hernadette. Donc là, je fais une première partie la semaine prochaine à Romans-sur-Isère, donc voilà. C'est et sinon, ouais, pour le spectacle, après, pour suivre, tu sais, il faut aller sur la page Facebook, quoi. Où ouais, tu mets sur toutes le les Facebook dates. De je fais plus des exceptionnels pour justement qu'il y ait plus de monde, donc moins régulier, mais voilà, plus sympa. Bah, vraiment, allez voir le spectacle. Il n'y a que Nicolas, je crois que tu l'as pas encore vu, mais c'est pas grave. Mais Vincent, Adrien et moi, on l'a vu, on a vraiment, et c'est pas parce que c'est notre pote. En même temps, d'ailleurs. En vrai, c'est pas vraiment mon pote. Oui. Et j'ai vraiment, vraiment kiffé le spectacle. Et vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Vous êtes environ 700, 800 à écouter ce podcast. S'il y en a ne serait-ce que un huitième qui voudrait le voir, ce serait fou. Bah, ça ferait autant de personnes depuis le début de ma carrière. vous voyez, c'est drôle. J'avais vu un extrait que tu avais fait à Montreux, c'est possible ça ? Ouais, ouais. Voilà, ça m'avait fait beaucoup rire. Qui était plutôt excellent, c'est vrai. Ouais, avec une entrée très, très drôle. Et voilà. Voilà. Bah, écoutez, on est déjà à 1h15, donc on va clôturer tranquillement. Pépère, au calme, ouais. Poseille. Au calme. Les jeunes. Ah, les jeunos. Il est si jeune. Donc, les minots. Donc, bon, bah, Greg, on le rappelle, donc du coup, t'as quelques dates à droite, à gauche. Allez sur le Facebook de Greg Romano pour voir s'il passe. C'est Greg pas Romano très loin. En majuscule, ouais. Voilà, bah, je pense que si vous tapez Greg Romano en minuscule, on le trouve. Ah, voilà. Pas du tout, tu tombes sur un. Je crois que c'est un saxophoniste mexicain. Parce que franchement, j'ai vu le nombre de Greg Romano dans le monde. Il y en a des milliers, quoi. Des milliers. D'ailleurs, je crois que le capitaine de l'équipe de volleyball américaine s'appelle Greg Romano. Ouais. Tu vois, j'ai un nom qui a aucune personnalité. Quoi. Tu vas voir le spectacle du capitaine de l'équipe de volleyball américaine. Non. Parce que quand je tape Greg Romano sur Google, on me met recherche associée humoriste en vogue. Donc tu vois, wow. Si c'est pas un argument pour aller le voir. Et c'est vrai qu'il est très bon, vogue. Ce Greg Romano là, qui est américain. Et qui est vraiment un touriste en vogue en ce moment. Adrien, toi, bah, toujours les sketchs tranquillement. Ouais, bah, pas de sketch prévu là. Mais on peut les médias, on peut te retrouver à la télévision. Dans une toujours Lumia. Et aussi une pas vu. Toujours pas vu, j'ai envie. J'ai vu, mec, dans la même pub, enfin dans la même, comment dire, tranche de pub, tranche de page pub, de pub. Ouais. Page de pub, j'ai vu Lumia. Et j'ai vu après avec Chumsky Vivelda. Ouais, voilà. J'ai énormément rigolé. Voilà mon actualité qui est reluisante, on peut le dire. Bah, tu sais que c'est vachement bien parce que moi j'étais avec une meuf ce soir-là. Je lui ai dit, ce mec-là c'est mon ami. Et bah j'ai pu me la faire après. Mais t'as pas une meuf toi ? Ouais, c'est ta gueule. c'était pour faire la vanne. C'était juste pour faire la vanne. Ah, d'accord. C'est pas vrai, mon bébé. Ouais. Non, genre sur texto, parce qu'on est, je crois qu'on est en direct. Du coup, Non, non, mais j'ai joué dans un programme court. Non, je dirais pas le nom, mais on va me voir à la dans télé. Dans pas longtemps, normalement, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Ah voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Je sais pas le nom pour, parce que je sais pas si je dois pas spoiler ou quoi. Mais dans une très bonne série. On une peut très dire. Bonne enfin, série. Une série qui est cool. Voilà, je suis content. Et oui. Et puis Game of Thrones. En parlant de Game of Thrones, juste je coupe. Je me suis fait avoir comme une merde. J'ai jamais vu. Attends, spoil pas. Hein. Non, je suis allé dans un site de casting et c'était marqué casting figuration Game of Thrones. Ah ouais. Donc je me dis direct quoi, je clique participer et moi écrit ces enculés poisson d'avril. Oh, allez. Oh, voilà. Je me dis putain ça claquerait quand même de la figuration, même si je fais une épée, je serais trop content. Quoi. Donc voilà. C'est Pôle Emploi qui dit vous avez enfin reçu vos allocations, je déconne. C'était une vanne. C'était une vanne. Fermé ce jour-là parce que c'est dans 6 mois. C'est un sujet que j'adore en ce moment. Vincent, toi tu as un sketch qui sort dans pas très longtemps, je crois. Ouais, j'ai l'impression qu'on est à Canal. Oui, non, j'aime bien. Mais j'aime bien faire à la fin le petit tour. Non, mais c'est table, vrai, c'est bien. Ouais, j'ai pour vous retrouver au final. Bah oui, parce que c'est là qu'on se retrouve. Bah oui, ah oui. Un sketch qui me plaît beaucoup, qui m'a plu beaucoup, mais du coup, il est en montage. D'accord. On a pas mal de retard hein, sur les montages ici, c'est la merde. Hein. dis donc là, j'ai. J'ai envie de m'énerver. Non, mais pas du tout. Mais on fait. Enfin, les monteurs font plein de taf différents. Ouais, bah ils font tous les montages quasiment des sketchs de Golden Moustache. Voilà. Donc oui, du coup, ils sont très occupés. Ils ne sont que trois. Gros big up. Big up à Clément Marsprod qui est top. Charlotte, Clément et Stéphane. On embrasse tous les trois. Top. Clément, voilà. Stéphane. Et merci à eux. Et donc voilà, donc petit montage d'un sketch complètement taré, ouais. Dans lequel figure beaucoup de presque gens. Tout le monde, sauf toi, sauf Flaubert. Moi, effectivement. Non, et moi aussi un peu. Mais voilà, on est dedans. Voilà. Et plein de gens bien. Et Nicolas, toi, tu as du lab, pas mal Golden Moustache qui sort. Il y avait que des gens de Golden aujourd'hui dans cette émission autour de la table. Enfin, pas que, mais qui font des sketchs un peu bientôt à Golden. Un sketch lab qui arrivera fin avril. D'accord. Voilà. Puis d'autres apparitions en tant qu'acteur dans d'autres sketchs à venir aussi. Voilà, peut-être avec un sketch de quelqu'un autour de cette table, je n'en dirai pas plus. Ok. voilà. Et moi, je voulais juste dire que ma nouvelle vidéo sort mardi. Ah mais oui, ah, putain, mais c'est vrai, Greg. Ouais, excuse-moi, j'avais oublié. Enfoiré. Ouais. Quel en est le thème? Et bah écoute, c'est le deuxième épisode entre vous et moi. Oui, ah bah oui, avec l'excellent Grégory Vaché. Et là, c'est l'homme qui sait tout. Ah, c'est tout. Peut-être que c'est un autre titre. Et Grégory Vaché, que j'espère viendra un jour ici. Comment il s'appelle ce sketch merveilleux que j'aime bien? Entre vous et moi. Nickel. Titre trouvé par l'incroyable, le talentueux Adrien Méniel. Adrien Méniel. On précise que c'est entre vous et moi, le mot et moi. Et pour prévenir les gens qui ont laissé des commentaires en disant c'est inadmissible cette faute d'orthographe, en fait c'est un jeu de mots. Voilà, c'était fait exprès. Voilà, pour prévenir. Quoi. Hashtag deuxième degré. On les embrasse. Car beaucoup de gens dans les commentaires sont stupides. Mais on fera un footcast où on parlera des commentaires stupides. On en a des drôles. Moi, je suis en ce moment, ça fait un mois que je fais des captures d'écran de celles qui me font le plus rire. Alors, et vraiment, il faudra qu'on fasse une émission avec la voix française de Morgan Freeman qui les lira toutes devant nous. Ah, j'ai mis une capture d'écran sur un hier. Ah, c'était lequel Moi qui m'attendais à une parodie du Loup de Wall Street. Je dis, voilà. Sur l'épopée. Si tu t'attendais en effet sur l'épopée que j'ai fait pour Studio Bagel. Studio Bagel. Moi j'en ai une pas mal, c'était gros lard. Non, mais j'en ai d'autres. Il y en a un qui est sympathique aussi sur Badass de McFly et Carlito. Ouais, très bonne vidéo. Oui, excellente, allez la voir. Je suis très content. Et c'est quoi le commentaire? Et c'est le mec, parce qu'en fait, dans les il y a Cyprien qui fait une apparition dans la vidéo. Et donc, dans les crédits de la vidéo, McFly et Carlito ont mis merci à Cyprien. Entre parenthèses, un nouveau youtubeur qui va pas tarder à faire parler de lui, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ouais. Humour, bien sûr. Ouais. Et le mec a dit genre, vous croyez qu'on connaît pas Cyprien? C'est juste le plus grand youtubeur français. Et Le bon talent. Je vous fais des bisous. Merci à tous. Salut d'être venus. Merci d'avoir écouté. Merci pour cette invitation. Merci, avec plaisir et à très bientôt. Générique de fin. Le trou de la sécu, ah ouais, je fourre mon nez dans un joli petit cul. Ah, il est con. Prout, prout, prout, ça pue sous la couverture. Ah, ça pue. Pour me protéger, j'enfonce ma clé dans la serrure. Ah,